Job chapitre 25. Alors Bilda, suite, prit la parole, et dit, le règne et la terreur sont par-devers Dieu, il maintient la paix dans ses hauts lieux. Ses armées se peuvent-elles compter? Et sur qui sa lumière ne se lève-t-elle point? Et comment l'homme mortel se justifierait-il devant le Dieu fort? Et comment celui qui est né de femme, serait-il pur? Voilà, qu'on aille jusqu'à la lune, et elle ne luira point. Les étoiles ne seront point pures devant ses yeux. Combien moins l'homme qui n'est qu'un ver, et le fils d'un homme, qui n'est qu'un vermisseau.